La poisse nous pioche sans cesse et on s'affaisse. C'est vrai qu'à force on s'enlace. Tu sais qu'on s'accroche, la peine plein la sacoche. On cache nos faiblesses, on clash ceux qui nous oppressent. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on trépasse? Je suis loin des strass et paillettes, j'ai pas de cash dans la mallette. Regarde en face, c'est pas net, pour ça que je crache mon mal-être. Moi je ne veux pas disparaître sans avoir fait ma place. Faut pas croire que tout s'efface, nous on n'a pas les manettes. Et oui, c'est comme ça les mecs, je vis, je vois donc j'écris. Je suis pas dans mon assiette, mais j'ai le soutien des proches quand je déprime. Putain, faut qu'ils comprennent, ouais, qu'on pleure tous en cachette. Pas le doigt sur la gâchette, non, mais sur le stylo bille. On se baisse pour des yébis, on se demande à qui faire crédit. À les écouter, je suis pas de la thèse, donc je suis pas crédible. C'est vrai, tout me saoule ici, mais j'ai le sourire comme Tim. Si j'insiste et je persiste, dans mon cœur j'ai ma dream team. Dans mon cœur j'ai ma dream team. Ouais. Dans mon cœur j'ai ma dream team. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat. Je vis la Tessie, je t'en explique à travers des textes explicites. Et puis c'est excité, à l'idée de nous imiter. Sache tu peux pas nous égaler, on cherche pas à gagner. Vu qu'on vit, plus on survit, c'est dur mon sourire. Je vois ce vie et de moins en moins de service. Je vois ces mises qui affilent l'herpès. Et ces bad boys pensent au bec et les petits qui grandissent. Tu sauras qu'ici y'a pas de Gandhi. Y'a juste des petits qui deviennent bandits, qui vendent à peine et veulent tout ken. Je vois ces Barbies qui sont violées par des hyènes. Où ces mises se donnent sans qu'elles aiment. Je vois la misère, la peine, la guerre. J'écris mon univers, ma haine, mes vers. Ma vie, c'est pas la tienne, même si ça ressemble. Sache que si ça pète, on fera la guerre ensemble. Ici, personne envie d'aller dans vie, ma vie. C'est mon choix, mon rap reste ma confession intime. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits, on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits, on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains n'entendent pas, nous on continue ce combat. Je laisse cacher, tous fâchés, tous fauchés. Son écro, faudrait peut-être que vous sachiez qu'on n'est pas venu au monde avec la rage. Pourquoi on se comporte comme des sauvages? Tous les uns sur les autres dans cette même merde. Tous unis dans des blocs par les mêmes chocs. Malgré ça, on respire comme des coqs. Malgré toute cette merde, on respire comme des coqs. Chaque jour se ressemble quand le soleil se lève. Chaque soir, on se rassemble quand la lune se lève. Certains d'entre nous sont traumatisés par les coups engendrés par la jalousie. Le monde devient fou. C'est donc votre hypocrisie. Le monde était déjà misère depuis des décennies. Je pourrais pas vous dire d'où provient cette haine. Peut-être que c'est à force de la voir sur toutes les chaînes. Pourquoi les meufs sont considérées comme des chiennes? Pourquoi mes gars se comportent comme des hyènes? On a appris à cultiver la haine, à aimer la haine à force de vivre avec la haine. C'est ainsi que ton esprit se referme. La haine engendre la haine et ton esprit se referme. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat. On fait vivre ce qu'on vit, on fait voir ce qu'on voit. Juste dans nos écrits on détaille la vie d'en bas. Perdu car tout est gris, même si certains ressentent pas. Même si certains l'entendent pas, nous on continue ce combat.